Être actif à tout âge. Devenir un senior ne signifie pas devenir inactif, bien au contraire. La fin de la vie professionnelle marque souvent un temps d'implication plus fort dans de nouvelles activités. Celles-ci peuvent être associatives et bien souvent participent à la création de liens sociaux et intergénérationnels. Créer du lien entre les générations. Créer des liens entre les générations est un enjeu important pour la vie de la cité. En effet, au-delà des problématiques intergénérationnelles, il s'agit avant tout de créer ce lien social. De nombreuses initiatives sont mises en place au quotidien par les institutions, les associations ou même les particuliers. Cela peut prendre de nombreuses formes, comme des ateliers permettant de transmettre un savoir, des manifestations offrant des moments festifs partagés, ou des débats donnant l'occasion à chacun d'échanger et de s'enrichir. À Château-Gontier-Bazouges, les occasions de réunir toutes les générations ne manquent pas. Citons, entre autres, les manifestations emblématiques organisées par la ville, que sont la Chalibaude, les Beaux Dimanches du kiosque, la Saint-Fiacre, le rallye pédestre ou encore le marché de Noël. Dans le futur, ces passerelles entre les générations continueront à se développer afin que tous les habitants se rencontrent, échangent et s'enrichissent. Cet article est illustré par une photo d'un groupe de personnes, jeunes mais aussi moins jeunes, répondant à des questions au cours du rallye pédestre 2014. S'engager dans le monde associatif. Avec environ 230 associations actives sur son territoire, la ville de Château-Gontier-Bazouges peut se targuer d'avoir une vie associative riche. Les domaines d'intervention de ces dernières couvrent des thématiques très diversifiées. Animation, culture, économie, éducation, jumelage, associations patriotiques, de quartier, sportives, touristiques, solidarité. Par conséquent, tout un panel de propositions permet de s'engager. La retraite est bien souvent un moment où l'on se tourne plus facilement vers les structures associatives. De ce fait, il n'est pas rare de croiser bon nombre de seniors dans les associations castro-gontériennes. Grâce au temps qu'ils offrent, ils font vivre et animent le territoire. Cet engagement peut présenter de multiples avantages. Rupture de l'isolement, rencontre de publics variés, maintien d'une activité physique. Mais au-delà de ça, cela représente un formidable atout pour la ville. Envie de vous engager? La ville met en ligne un guide des associations où vous pourrez retrouver les coordonnées de nombreuses structures. Si vous êtes président d'association, merci d'informer les services de la ville de tout changement de coordonnées. Rendez-vous sur ville.châteaugontier.fr, rubrique ma ville/vie associative.